Allons, Olivier, un peu de patience. Tu n'es vraiment pas chic avec Paul. Ça y est, c'est bien ça. Non seulement je dois supporter ce garçon, mais je dois te supporter, toi. Mais je n'ai rien dit de mal. Ça, par exemple. Tu m'accuses de ne pas être patient avec ton fils. Tu m'accuses de... Allons, allons. Profitons de cette belle journée. Quelle journée! Ton fils saisit la première occasion pour nous quitter? Quant à ta fille, elle préfère passer la journée avec un étranger plutôt qu'avec ses parents. Allons, Olivier. Tu sais bien qu'elle est heureuse avec Georges. Georges n'est plus un étranger maintenant. Tu crois qu'elle va vouloir rentrer à Québec? Nous verrons bien. Ça lui fera certainement de la peine de repartir. Sans doute. Qui sait? Il y a peut-être un mariage qui se prépare.